filles et les garçons chantaient gaiement des chansons parmi les stridulations des grillons. Ils dansaient, dansaient en rond sous le firmament étoilé, les pagnes et foulards bariolés au vent du soir s'ébalance. Et voltigeux en cadence, les masques grimaçants des danseurs arborent des rires moqueurs. Et là-haut, parmi les planètes, Madame la Lune, en grande toilette, éclaire de ses rayons d'or ses spectacles multicolores. Résonne sourdement sur le macadam, et les danseurs alentour miment des scènes d'amour, et en scandant leurs pas trépidants poussent des cris assourdissants. Le vin de palme coule à gogo, la foule répond aux mélopées du griot. Dans la splendeur de la nuit, les palmiers s'agitent sans bruit, et les tam-tams et les tambourins battent jusqu'au matin. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Parmi les planètes, la lune en grande toilette éclaire des ses rayons d'or ses spectacles multicolores. Le rythme fou des tam-tams résonne sourdement sur le macadam, et les danseurs alentour miment des scènes d'amour, en scandant leurs pas trépidants poussent des cris assourdissants. Le vin de palme coule à gogo, la foule répond aux mélopées du griot. Dans la splendeur de la nuit, les palmiers s'agitent sans bruit, et les tam-tams et les tambourins battent jusqu'au matin.